LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. C'est une carte postale, c'est mon grand-père et ma grand-mère, il est habillé comme un prince. Il a une chemise à manches bouffantes de toutes les couleurs, mais là c'est le noir et blanc. Hein. Il a une canne avec un pommeau en argent. Il a une paire de chaussures avec des hauts talons. C'est une petite taille, et il avait à peu près la même taille que ma grand-mère, donc pour jouer un peu sur la grandeur. Et ma grand-mère, à côté de lui, elle pose sa main sur son épaule. Et puis elle a des chaussures couleur or, puis une robe bariolée, aussi une chemisier à manches bouffantes. Elle est peignée comme il se doit. Elle a des boucles d'oreilles. Il faut le dire, ils sont en or. Hein, c'est important. Comment ils s'appelaient tous les deux? Ils ont changé de nom, même de prénom. Ma grand-mère, elle s'appelait Yupunka. Puis après, elle s'est appelée Anne. Et moi, on l'appelait Mamie. Voilà. Et mon grand-père, lui, il s'appelait Yono. Puis, les choses étant, il s'est appelé Yoshka. Puis, son nom d'état civil, c'est son prénom, c'est Alexandre. Et Sacha, ça veut dire Alexandre. Sacha Zanko a les cheveux du même gris ardoise que sa chemise. Et ce jour-là, derrière sa moustache, il a un sourire doux et triste. Peut-être à cause de cette photo. Parce que ce n'est pas une photo de famille comme on en a souvent dans des boîtes à biscuits. Non, lui, c'est une carte postale. Une carte postale sur laquelle posent ses grands-parents. Une carte qu'on pouvait acheter, au début du XXe siècle, au jardin d'acclimatation. Après avoir visité ce qui était alors une sorte de zoo humain. Dans l'ombre de l'antiziganisme, deuxième épisode, français depuis le Moyen-Âge. Il a voyagé dans toute l'URSS, bien sûr en train, transsibérien. Il est arrivé à Vladivostok. Il est passé par la Mandchourie. Il maîtrisait 5 langues. Quand il est arrivé en France, il avait une vingtaine d'années, et c'était en 1912. Et là, d'emblée, on les a repérés. C'était flagrant, c'était un groupe, ils étaient 120 personnes, donc c'était pas rien. En fait, tous les Kelderas viennent de Russie à la même époque, juste après 1900. Et lorsqu'ils sont arrivés, il y a un impresario du jardin d'acclimatation qui les a repérés, qui les a sollicités. Donc volontairement, ils ont accepté d'aller au jardin d'acclimatation. Et durant une année et demie, ils étaient exposés en qualité de chaudronnier, dinandier, danseur, chanteur, musicien. Ils étaient payés pour ça. Ils vivaient dans des tentes. Il y a même les photos du parc de jardin d'acclimatation où mes aïeux, mes grands-parents, mon père, toute la famille, quoi. C'était vraiment le parc à animal, quoi. Alors voilà, cette histoire, on a décidé de la faire commencer comme ça, avec un zoo humain, des souvenirs entachés et des histoires de migration qui sont aussi des histoires d'intégration. Donc au départ, on parlait d'Égyptiens et de Bohémiens, parce que certains voyageurs avaient sur eux des lettres de recommandation de l'empereur du Saint-Empire, roi de Hongrie et de Bohême. Alors on ne va pas vous faire le coup de dire que mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde, ou bien que ce qu'on ne sait pas nommer, c'est qu'on n'a pas vraiment envie de le comprendre. Mais la propension à dire au hasard « gitan, manouche, nomade, romanichel ou tzigane » pour désigner ce qu'on croit être une seule et même chose, ça montre l'indifférence et la paresse de saisir une question complexe et politique. Et ça montre notre totale méconnaissance d'une histoire qui est pourtant la nôtre. Et c'est une bonne raison pour se pencher sur la question. Il y a 10 ans, j'avais interviewé Henriette Asseo. Elle s'était agacée, avec raison, à mesure que déferlaient mes questions, de ce que je n'utilisais jamais les bons termes. Aujourd'hui, elle raconte cette histoire qu'elle a contribué à écrire, une histoire qui remonte au Moyen-Âge, l'histoire de ceux qu'on appelait les Égyptiens, qui ne viennent pas d'Inde et ne sont pas nomades. les Tsangani, Sive Aegyptani, tels qu'ils se présentent eux-mêmes, eh bien, ces Égyptiens ou Tsangani sont d'origine grecque. Ils appartiennent à l'œcuménée grecque médiévale, c'est-à-dire au monde byzantin. Et donc, ces populations circulent entre les rives orientales de la Méditerranée et les rives occidentales, en un flux continu. Et ce flux va durer jusqu'à la fin du XVIe siècle, lorsque les derniers établissements latins vont disparaître et qu'effectivement, l'Empire ottoman va verrouiller cet espace des rives orientales de la Méditerranée. Donc, ces Tsiganes sont intégrés à l'ensemble que l'on appelle Graïki, qui repeuple l'Europe, et en particulier l'Europe du Sud, à partir en gros de la fin de la Grande Peste, qui a détruit, je le rappelle, entre le tiers et la moitié de la population européenne. Ce repeuplement est flagrant en Italie du Sud et en Espagne. Et voilà pourquoi vous avez aussi bien en Espagne une très forte communauté gitane autochtone qui date donc de la fin du Moyen-Âge, et en Italie du Sud aussi une très forte communauté qu'on appelle Rome médiévaux et qui date elle aussi de la fin du Moyen-Âge. Et cette présence tsigane si ancienne, qui n'est pas du tout nomade et qui s'intègre dans une implantation citadine, imprègne tous les aspects de la société, de sociétés occidentales qui sont en voie de construction elles-mêmes, y compris de construction de leur langue nationale. Donc il faut complètement inverser la problématique qui est partagée malheureusement par beaucoup de personnes bien intentionnées sur l'idée que les Tsiganes formeraient un peuple dont l'identité serait articulée sur un nomadisme ontologique. Parce que promouvoir cette notion de nomadisme ontologique, c'est déshistoriciser complètement leur histoire et c'est donc favoriser l'idée qu'ils n'appartiennent à aucune nation. Le dimanche d'après la mi-août, auditant 1427, vint à Paris 12 pénitents, comme ils disoient. C'est à savoir un duc et un comte, et 10 hommes, tous à cheval, et lesquels se disaient très bons chrétiens, et étaient de la basse Égypte. Le commun ne les laissa point entrer dedans Paris, mais par justice furent logés à la chapelle Saint-Denis, et on venait de Paris et d'Antours pour venir les voir. Je me souviens très bien de ce texte. C'est un extrait du journal d'un bourgeois de Paris. Quand j'étais étudiante, en histoire médiévale, on a souvent travaillé dessus. Le bourgeois, c'est un peu le Stradivarius de la description. La météo, les vêtements, le décor, les sons, les slogans, c'est comme si on y était. Alors il aime bien exagérer, parfois, et puis il est curieux. En fait, c'est un badaud. Presque tous avoient les deux oreilles percées, et en chacune oreille, un anneau d'argent ou deux. Et disaient que c'était gentillesse en leur pays. Item, les hommes étaient très noirs, les cheveux crépés, et avec eux les plus laides femmes que l'on peut voir et les plus noires. Toutes avaient le visage ridé, les cheveux noirs comme la queue d'un cheval, et pour toute robe, une vieille tunique très grosse, attachée par un lien de drap ou de corde lié sur l'épaule. Bref, c'était les plus pauvres créatures qu'on vit onque venir en France. Et malgré leur pauvreté, ils avaient en leur compagnie des sorcières qui regardaient les mains des gens et disaient ce que leur était advenu ou à advenir. Et semèrent la discorde en plusieurs mariages, car elles disaient au mari « ta femme t'a fait cocu » ou à la femme « ton mari t'a fait coulpe » ou par leur habileté faisaient vider les bourses aux gens et le mettaient en leur bourse. Là, ce qu'on entend, c'est la rumeur, les clichés qui s'installent. Le texte parle de vol et de ligne de la main. Sauf que le bourgeois, comme il est curieux, il va voir sur place. Et ce qu'il dit, c'est qu'il ne voit rien de tout ce qu'on lui a raconté. Voilà ce qu'il dit. Et vraiment, j'y fus 3 ou 4 fois pour aller parler avec eux. Mais jamais ne m'aperçus d'un denier de perte, ni ne les vis regarder dans les mains. Mais pourtant, c'est ce qui se disait partout, au point que la nouvelle vint à l'évêque de Paris, lequel y alla en excommuniant tous ceux et celles qui avoient montré leurs mains, et convint qu'ils s'en allassent et se partirent le jour de Notre-Dame. Donc ils repartent comme les pèlerins en pénitence que le bourgeois décrit. On disait d'ailleurs parfois qu'ils expiaient la faute originelle de ne pas avoir accueilli la Vierge et son enfant lors de la fuite en Égypte. Des Égyptiens, quoi. Des étrangers, surtout. Mais quand ces groupes, qui sont des groupes diplomatiques, se présentent en Europe, dans les villes ou devant les institutions, ils sont reçus en tant qu'étrangers. Et le Moyen-Âge est le lieu de l'hospitalité. Donc, un étranger qui vient en tant que pèlerin, avec des lettres accréditées du pape ou des lettres de recommandation de différentes hiérarchies chrétiennes, est accueilli à part entière. Et là, le bourgeois de Paris observe probablement quelques guerriers médiévaux d'Épire dits égyptiens, qu'on appelle comtes de Petite-Égypte, et qui s'est présenté à Paris et qui est accueilli pour aller ensuite. Par exemple, on a énormément de lettres de ce type, de lettres de sauvegarde qui concernent l'Espagne et l'accueil auprès des rois catholiques d'Espagne. Alors vous avez utilisé, Henriette Asséo, plusieurs fois les mots égyptien et bohémien. Et d'où viennent ces mots alors à l'époque ? Lorsque un individu se présente ou s'installe dans le cadre par exemple d'une corporation, où il va se déclarer comme maître de corporation, comme c'est le cas en Italie, il va se déclarer Cingani. Mais certains d'entre eux se déclarent des Égyptani ou Égyptiens. Ça veut dire tout simplement qu'il vient de l'Épire, qu'on appelait la Petite Égypte à l'époque. Mais dans l'esprit de l'époque, qui découvre les hiéroglyphes, sans évidemment pouvoir les lire jusqu'à Champollion. Et comme les tziganes de l'époque parlent entre eux la langue romanie, et que cette langue est évidemment étrange pour les contemporains, ils pensent que c'est sans doute de l'égyptien ancien. Et comme les femmes disent la bonne aventure, et que la redécouverte de l'Égypte antique par Marcille Fissin s'associe au mouvement néoplatonicien et à la recherche donc des clés de lecture, de l'ésotérisme, alors on se demande si ces fameux égyptiens ou bohémiens ne sont pas les détenteurs d'un savoir antique perdu. Bref, tout le monde fantasme et cet imaginaire est utilisé aujourd'hui encore par les artistes romani pour déjouer les clichés. Des artistes dont les œuvres seront au MUCEM à Marseille dans l'exposition Barvalo consacrée aux cultures roms, gitanes, cintés, manouches et voyageuses. Et c'est la commissaire Julia Ferloni qui nous guide dans les immenses réserves où se côtoient des manèges, des stands de tir, des chars de carnaval et des orgues de barbarie. On a acquis donc une seule pièce de la série Out of Egypt de l'artiste polonaise Malgorzata Mirgataw. En fait, Gosia, c'est comme ça qu'elle préfère qu'on la surnomme, a repris une série de quatre gravures du graveur français Jacques Callot au XVIIe siècle qui représente les bohémiens. Et c'est une série qui a en fait contribué à façonner l'image qu'on se fait d'eux, des personnages errants, avec des enfants, voyez, des femmes qui marchent pieds nus, des hommes, des militaires, des soldats, voilà, et qui vivent de rapines, etc. Et Gosia, donc, elle a repris cette série. Donc, elle récupère des textiles qui appartiennent aux membres de sa communauté, c'est des personnes romanies, et elle les magnifie. Elle les fait en très grand format, style tapisserie, et elle leur donne, voilà, c'est coloré, les gens sont dans une attitude noble, on n'a personne qui est pieds nus, on n'a personne qui est en haillons. Et puis, le titre aussi n'est pas anodin, « Out of Egypt », parce que gitan, gypsy, ça vient d'Égyptien, parce qu'on, voilà, petite Égypte, on pensait qu'il venait d'Égypte. Et donc, dans le titre programmatique, elle dit, bah, on en finit maintenant avec cette idée qu'on vient d'Égypte. Bah non, c'est pas vrai. Alors, est-ce que vous pouvez nous la décrire ? Alors, c'est un élément d'une des gravures de Callot. Elle a ciblé cette gravure sur laquelle on a une femme qui est assise sur un cheval, donc un cheval qui est bleu, en l'occurrence, sous un arbre, et à côté d'elle, il y a deux hommes qui portent des vivres. Il y en a un qui est baissé et qui a un panier dans lequel il y a des fruits et des légumes, et un autre qui est armé d'un fusil et qui a du gibier accroché à sa ceinture. Et on a aussi choisi de cette séquence-là où on voit des hommes en armes parce que de nos discussions avec Sacha, avec Nelly, on avait bien compris que le fait de montrer des combattants, des gens qui se battent pour une cause, qui se battent pour un pays, pour une nation, c'était important. 16e siècle. Toutes les sociétés européennes sont en construction à cette époque. Et le caractéristique des sociétés européennes, c'est qu'elles construisent à la fois des sociétés et des États en même temps. C'est-à-dire qu'elles se construisent en tant que nation. Ce que l'on observe dans le Royaume de France, mais aussi dans le Royaume d'Angleterre, en Écosse, Pays de Galles, enfin dans les trois royaumes anglais, aussi au Royaume de Prusse, c'est effectivement une structuration militaire. Vous avez deux sortes de tziganes, les Sinti de l'Ouest et les Roms de l'Est. Donc les Sinti de l'Ouest appartiennent effectivement à des sociétés militaires. Et ceci correspond bien à un marché qui est le marché de l'entreprise de guerre qui est... Alors, je prends un exemple, l'armée de Louis XIV, c'est 1 million d'hommes en armes, en permanence, qui circulent dans un royaume de 26 millions de personnes. Et cette entreprise militaire, on les appelle compagnies de bohémiens, et c'est une entreprise familiale. Il y a les hommes qui font la guerre, les femmes qui disent la bonne aventure, et les enfants qui suivent. Et cette compagnie militaire est catholique. Elle est baptisée et elle dispose du parrainage et du patronage de l'aristocratie. Parce que l'aristocratie, c'est elle qui dirige ses armées et qu'en conséquence, aussi bien la Fronde, les guerres de religion, etc., emploient ces compagnies de bohémiens. Et donc, la culture de la compagnie bohémienne pénètre une espèce d'articulation étrange entre la proximité aristocratique et puis la dénonciation populaire d'armées vivant sur le terrain. Car ça apporte une valeur ajoutée d'être égyptien ou bohémien. Ça, c'est l'élément essentiel à comprendre. C'est une valeur ajoutée. La hiérarchie de l'Ancien Régime est très simple. Vous avez l'aristocratie, vous avez le peuple des villes et vous avez les paysans. Les tziganes échappent aussi bien à la contrainte seigneuriale en tant que paysans qu'aux contraintes des villes. Ils sont dans un entre-deux. Et ce patronage aristocratique leur assure la garantie d'une construction généalogique tellement solide que si vous interrogez à l'heure actuelle toutes les familles des gens du voyage manouche, eh bien, l'ensemble de ces gens actuels, des Lauriers, Duville, les Reynard, etc., sont les descendants de ces capitaines de bohémiens. Quand les bohémiens sont arrivés en Europe de l'Ouest, il y a eu vraiment une fascination au tout début, et notamment dans les cours, chez les nobles, il y a eu vraiment un attrait pour eux, et donc on les retrouve notamment dans des tapisseries. Il y a une suite de tapisseries qui montrent l'arrivée des bohémiens, et c'est pas un hasard si Margaret Amirgataz, elle a repris aussi ce format. C'est parce qu'elle est vraiment à la confluence entre deux manières de représenter, qui sont celles des populations qui localement ont reçu ces nouveaux arrivants et les ont d'abord accueillis, puis rejetés. On voit sur cette image des hommes d'armes. Hein, et ils étaient fabricants d'armes aussi. Hein, c'est ce qui a fait durant des siècles leur métier, hein, le travail même du fer, de la fabrication d'armes, des épées. Il y a une légende qui se rapporte à Tolède où il y a eu des tziganes affûteurs de lames parce que c'était le saumon, l'affûtage. Nelly Debar. Du moment qu'on est en famille déjà rapprochée et élargie mieux, c'est encore mieux. Si on est en famille, on s'adaptera partout. Parce que tu es d'accord avec moi, Sacha ? Oui, parce voilà. Notre premier pays, ouais. Déjà, c'est la famille. C'est clair. Voilà, c'est la famille. Après, mon deuxième pays, c'est la France. Je suis né en France, mon grand-père s'est engagé dans le maquis en France. Après, il a fait la guerre en France. Il y a des un oncle de mon père qui était dans l'armée napoléonienne, dans la dernière guerre de Napoléon. Donc, c'est quand même, voilà quoi, on est quand même... impliqué. On a des histoires françaises, oui. On a une histoire française. Après, on n'est pas moins des voyageurs, et, voilà. Et on a une façon de vivre, on a des coutumes, et on a qu'on ne veut pas lâcher. Et qu'on, c'est compatible. Et qui est compatible avec tout le monde. L'un des éléments aussi de la disqualification des tziganes ou des bohémiens, c'est le passage sur la reconnaissance ou non des lettres de recommandation dont ils disposent. Et il va se fixer sur les tziganes une suspicion qui est que c'est un peuple qui pratique la contrefaçon de façon systématique. Alors ça repose d'abord sur le rejet des compagnies militaires. C'est-à-dire, autant le XVIe siècle se sert de ces compagnies militaires, Henri IV demande à un capitaine bohémien de se porter à La Rochelle, enfin voilà. Le duc de Brissac enterre son capitaine de bohémien dans le château, avec ses propres aïeux. Donc, cette disqualification va entraîner le fait qu'on va les considérer comme des gens qui se disent être un peuple, mais qui ne le sont pas, qui sont un ramassis de vagabonds. Et donc, la disqualification culturelle démarre à partir de cette division. D'un côté, on a eu une structuration sociale qui était admise à part entière, qui assurait pendant un temps la proximité aristocratique. À partir du moment où cette proximité aristocratique est abandonnée parce que la société a changé d'organisation et parce qu'a succédé aux sociétés de type monarchique d'Ancien Régime des sociétés au début du XIXe siècle qui seront fondées sur d'autres modèles. À partir de ce moment-là, les tziganes seront disqualifiés. Alors on s'est rencontrés tous il y a quoi ? 4 ans ? Parce qu'on avait ce projet d'exposition qui maintenant s'appelle Barvalo, mais à l'époque n'avait pas vraiment de nom. Donc on a aussi demandé à tous nos experts, parce qu'on est 19 en fait à travailler sur ce projet, qu'est-ce qui ferait sens pour entrer dans les collections du MUCEM et donc dans les collections nationales françaises pour parler d'un patrimoine romani. Et donc les voyageurs de notre groupe ont dit bah nous on voudrait parler de la caravane parce que c'est un mode d'habitat qui nous est propre, dont on est fier, c'est une esthétique, c'est une manière d'habiter le monde. Donc on a réfléchi à ce qu'on pourrait acquérir autour de cette thématique. D'autres ont dit, bah, nous on voudrait des témoignages autour de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste, parler de ça, de ceux qui ont survécu, de ceux qui ont résisté, parmi ceux qu'on appelait les nomades. Et puis d'autres nous ont dit, bah, nous c'est des artistes contemporains romani, parce qu'ils ont une voix à faire porter. Et voilà. Donc tout ça a donné lieu à cette collection qu'on a contribué à enrichir, parce qu'au MUCEM, on avait déjà à peu près 900 pièces autour des populations romani. Puis on s'est rendu compte que ces collections, elles étaient très mal indexées. Parfois parce qu'on se trompait de population, on disait bah, « ça a été fait par des gitans », alors que non, c'est en Roumanie, donc c'est forcément des Roms, c'est pas des gitans, il n'y a pas de gitans en Roumanie. Ou bien indexées avec avec une vision très stigmatisante. Par exemple, une représentation de gitans espagnols en train de s'occuper d'un cheval, et la légende mise par une personne qui travaille ici, c'était des gitans en train de maquiller un cheval volé. Rien dans l'illustration ne permet de voir ça. Donc du coup, nous, au musée, on s'est aussi lancé dans un travail de réindexion de nos collections. Nelly Debar est foraine et voyageuse. Elle arrive essoufflée et en riant. Elle peste contre son téléphone qui ne téléphone plus. Elle vit en caravane où elle capte très mal à cause de la voie ferrée qui passe à côté. Elle est présidente de l'Association nationale des gens du voyage citoyen et elle a plutôt l'habitude de dire ce qu'elle pense. Quand Julia m'a contacté la première fois pour le MUCEM, m'a dit justement voilà, c'est autour du travail des gens du voyage, artistique ou les marchés, les fêtes foraines. Est-ce que on peut intégrer dedans le fait, et je pense être la première à te l'avoir demandé, ceux qui sont entrés dans les armées, que ce soit dans les guerres, qui ont fait les guerres de France et qui ont entré dans le maquis, voilà, parce que moi ça me concerne de très proche. Mais il n'y a pas que ma famille, il y en a énormément. me rappelle que dans une conversation, on avait parlé du fanion, drapeau des Roms, qui pour moi est un fanion, parce que mon premier drapeau, c'est bleu, blanc, rouge. Et après, la roue Rome, enfin la roue Zigane, c'est ça, hein, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà. C'est, oui, c'est un fanion, ça nous rassemble tous, parce que qu'on vienne d'un pays ou d'un autre, on a le même langage, voilà. Mélangé avec nos pays de naissance, chacun. Mais c'est vrai que moi, l'exposition, au départ, quand on m'a appelé, j'y suis allé doucement. Ouais, j'y suis allé doucement. Voilà. Non, parce qu'on a l'habitude. Je sais. Voilà, que ce soit dans les journaux, dans les journaux télévisés ou pas. Encore plus maintenant, avec le reportage sur M6, on y freine des deux pieds. Hein. Parce que ça, entre ce qu'on. Nos mots qui sont déformés, un peu comme la photo que tu disais du cheval maquillé, tout ça, qui est interprété. Non, et il n'y a jamais la vie normale, qu'on va dire. Moi, j'ai fait des fêtes foraines, je fais des marchés. Ma mère a eu chiné, fait du porte-à-porte. Mon métier, c'est ma particularité. Je suis Rom Calderage. Donc, ça vient de Calder, du chaudron. Hein. Et donc, nous sommes des dinandiers. Nous fabriquons des cuivres d'art à usage culinaire aussi. Et on a fabriqué, à la demande du musée, mais en concertation, de plats qui, justement, servent aux cadistes de Toulon, c'est-à-dire qui font cuire de la cade à l'intérieur. Ils appellent ça la soque à Nice. Puis moi, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Et je suis aussi vendeur ambulant. Donc, je vends auprès des mères de famille, particulièrement, tout le besoin qui sert au ménage, donc des chiffons, il y a des draps, il y a tout un assortiment de mercerie, des plats en inox et de la porcelaine. Il y a les métiers auxquels on pense tout de suite, entre clichés et réalité. Vannier, ferrailleur, forain, ramoneur ou rémouleur. Et puis il y a tous les autres, chercheurs, maçons, élagueurs, gendarmes, profs, comptables, fleuristes, juristes, etc. Michaël Guérin est sociologue. Il vient d'une famille de voyageurs et il veut faire émerger toute cette diversité. Le plus éclairant, c'est qu'ils travaillent à leur invisibilité lorsqu'ils sont en prospection économique. Le fait que lorsque des hommes ou des femmes vont chiner, alors je prends n'importe quel exemple, ceux qui font du ramonage, l'élagage, de la couverture, de la peinture ou d'autres travaux, ou ceux qui peuvent vendre sur les marchés ou lors de foires, voilà, ils travaillent à dissimuler le fait qu'ils sont voyageurs, pour partie, notamment parce que par rapport aux représentations ou aux stéréotypes qui sont véhiculés sur les voyageurs, ils pensent à raison ou à tort, en fonction de l'individu qui est en face, que ça va être néfaste pour l'opération commerciale. C'est aussi simple que ça. Et puis il y a beaucoup de fantasmes aussi sur le mode de vie, sur les sources de revenus. Souvent, on pointe des activités illégales, des arnaques, de la non-déclaration. C'est loin de la vérité parce qu'aujourd'hui, du coup, moi, par rapport aux gens que j'ai pu rencontrer et qui ont fait partie de mes enquêtés, beaucoup qui sont travailleurs indépendants sont aujourd'hui sous le statut d'auto-entrepreneur, donc ont une activité qui est déclarée. Et alors, il y a aussi des clichés autour des vieux métiers, c'est-à-dire que souvent, on a une espèce d'image d'épinal de gens qui sont rétameurs, aiguiseurs, rempailleurs, vanniers. Il y a aussi, comme ça, une image de gens qui sont arrêtés dans le passé. Mais de jour encore, hein, quand on parle des activités indépendantes des voyageurs, et c'est aussi oublier que ce sont des gens qui sont inscrits dans leur époque, inscrits dans le 21e siècle, qui utilisent les réseaux sociaux, qui utilisent Internet pour communiquer, pour faire de la pub, et qui s'adaptent aussi aux demandes qui émanent quoi, de notre société. Donc, les activités qui sont celles dont on parlait, là, assez obsolètes, elles ont été largement remplacées par d'autres activités, comme je le disais tout à l'heure, le ramonage, les lagages, l'entretien d'espaces verts, des petits travaux de couverture, des travaux de peinture. Ils sont sans cesse en situation de se réinventer. Et ça s'écarte d'une vision, encore une fois, qui est assez archaïque de la famille voyageuse où les voyageurs vivent au jour le jour, quoi. C'est parce que c'est forcément louche, c'est ça ? Un, c'est louche de ne pas être sédentaire. Si on n'est pas sédentaire, c'est louche, parce que c'est parce qu'on veut bien cacher quelque chose. Autrement, il n'y a pas d'intérêt à ne pas être sédentaire. Et donc, effectivement, les voyageurs sont aussi des pauvres au RSA. Et s'ils ont des grosses caravanes et des grosses voitures, c'est forcément qu'ils ont une activité illégale. Quelques soins que les rois, nos prédécesseurs, aient pris pour purger leurs états de vagabonds et de gens appelés bohèmes, il a été impossible de chasser entièrement du royaume ces voleurs, par la protection qu'ils ont de tout temps trouvée auprès des gentilshommes et seigneurs qui leur donnent retraite dans leurs châteaux et maisons, nonobstant les arrêts du Parlement qui le leur défendent expressément. À ces causes, enjoignons de faire arrêter tous ceux qui s'appellent bohèmes ou égyptiens et de faire attacher les hommes à la chaîne des forçats pour être conduits dans nos galères à perpétuité. Et à l'égard de leurs femmes et filles, ordonnons à nos 10 juges de les faire raser la première fois qu'elles auront été trouvées et de faire conduire dans les hôpitaux les plus proches les enfants qui ne seront pas en état de servir dans nos galères. Et en cas que lesdites femmes continuent de vaguer et de vivre en bohémienne, de les faire fustiger et bannir hors du royaume. Donné à Versailles, le 11 juillet 1682. Henriette Asséo. Qu'est-ce qu'elle déclare, cette loi ? Elle déclare la dispersion des compagnies de bohémiens. On voit bien que, après l'épisode de la Fronde qui l'a traumatisée, le roi qui désormais a, à partir de 1664, pris le contrôle de sa destinée et la construction d'un État monarchique fondé sur le roi de guerre, veut la légitimation de la guerre en sa main. Et la soumission de la noblesse frondeuse l'amène à décider à partir de 1682 la dispersion de ses compagnies de bohémiens. Donc, les compagnies de bohémiens sont dispersées. En cas de récidive, c'est-à-dire si des bohémiens armés sont interceptés sur les routes, ils sont à ce moment-là conduits aux galères. Et les femmes, puisqu'on a dit que c'est des compagnies familiales, et les enfants sont conduits à l'hôpital, dont on sait depuis Michel Foucault que ce sont des mouroirs. Elle paraît effectivement une loi contre un peuple. Mais elle est une loi qui est simplement le décalque de toutes les lois prises sur le démantèlement des armées privées, quelle que soit leur nature, qu'il s'agisse d'Italiens, qu'il s'agisse de Français recrutés dans le cadre des entreprises de guerre, qu'il s'agisse de celles qui viennent du royaume de Prusse ou que celles qui viennent du duché de Savoie ou de celles qui sont basées à Lyon. Ilsen Abboute, historien. Alors, effectivement, il y a eu une lecture pendant longtemps des archives par le biais des réglementations anti-tziganes, anti-bohémiennes, qui reflètent effectivement des formes de répression, mais qui sont lues aussi comme des formes d'intégration historique. Parce que ces réglementations, ces répressions des délits sont aussi les traces de présence profonde dans le territoire, dans l'histoire des lieux. Donc, il ne faut pas seulement voir la longue histoire de la réglementation anti-tzigane en France comme une forme uniquement de continuité, même si il y a des traits qui laissent penser à une répression continue. Mais en réalité, avant 1895, il n'y a pas de réglementation nationale anti-tzigane en France. Il y a des répressions, des condamnations, des infractions qui sont punies, des délits qui sont poursuivis. Mais la France comme espace ne condamne pas cette présence de manière radicale et totale. Mais alors quand on étudie, entre guillemets, cette législation de 1682 dont vous avez parlé, on peut la lire vraiment comme quelque chose d'extrêmement répressif, puisque les bohémiens sont condamnés aux galères, puisque les femmes sont tondues ou emprisonnées ou mises dans des hospices et les enfants dans des orphelinats. Oui, c'est vrai que c'est un moment de rupture très fort qui vise en particulier les grandes compagnies familiales bohémiennes qui finalement portaient concurrence à l'autorité monarchique. Donc c'est un moment effectivement assez important, mais le temps de la répression reste toutefois limité dans la durée. Donc c'est un moment certes important, mais il ne faut pas le surévaluer à mon avis. Au cours du XVIIIe siècle, les études montrent l'implantation de multiples communautés dans l'ensemble du territoire, ce qui traduit une forme d'adaptation, de transformation sociale et culturelle des mondes roms en France. C'est-à-dire que ces répressions ou ces tentatives de répression ne parviennent pas à effacer cette population. Parce que cette présence, elle est durable, elle est constante, elle est profonde et elle irradie l'ensemble de l'économie et de la culture française. Jules Admante est historien du droit. Il a travaillé sur les procès impliquant les bohémiens en Lorraine. Comment on justifiait à l'époque le fait de bannir ou d'expulser des personnes qui, parfois, pour certaines familles, sont en France depuis le XVe siècle ? Donc depuis 300 ans. En fait, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que le bannissement, au départ, c'est une peine qui est prévue pour un sujet domicilié. Il est banni de là où il est. Donc on peut raccrocher, c'est en creux, on peut y voir justement une preuve de leur présence dans la région. Et puis il y a aussi le fait que la législation pénale, on le voit très bien, est pas appliquée de façon pleine et avec toute sa force à l'encontre des bohémiens. La plupart des sanctions en cas de récidive, après banni, la récidive entraîne la peine de mort, etc., dans les textes. Et en fait, on s'aperçoit que les juges nuancent systématiquement la peine et se contentent de bannir. Il y a quand même une composante spécifique aux bohémiens. C'est que cette loi, enfin cet édit, ça s'appelle un édit, s'accompagne d'un édit complémentaire sur la dénonciation de la bonne aventure. Les bohémiennes seront pourchassées pour dire la bonne aventure. Elles sont des trafiquantes d'illusions qui n'ont aucun crédit pour avoir commerce avec l'avenir, selon l'astrologie licite qui est autorisée. Elles sont des trafiquantes d'illusions qui corrompent le peuple. Et néanmoins, les bohémiennes continueront cette activité qui leur permettra de continuer de circuler dans tout le royaume, d'avoir une clientèle qui couvre toute la hiérarchie sociale, d'être tolérées de village en village. Et elles parviendront même à faire sortir leurs maris des galères et donc se reconstituera ou perdurera à travers un XVIIIe siècle qui est peu favorable à cette circulation bohémienne, ces familles qui constituent la souche ancienne des gens du voyage actuel. Et là, on voit que au lieu de faire une interprétation racialisante de ces lois d'Ancien Régime, la contextualisation et l'importance des enjeux politiques qui ne nécessitent pas de faire intervenir à l'intérieur de l'Europe les questions de race qui n'existent pas en Europe, eh bien, des enjeux religieux et politiques sont essentiels pour comprendre comment une communauté peut être discriminée, oui, mais néanmoins avec des espaces de tolérance qui permet sa perpétuation sociale et même culturelle. Yann Rodier est historien. Il a travaillé sur la figure de la bohémienne au XVIIe siècle. Très tôt, dès le XVIe siècle, certains peintres vont s'intéresser justement à brosser le trait de ces belles égyptiennes. Je pense en particulier au tableau le plus iconique finalement de cette représentation de la figure de la belle bohémienne. C'est la Zingara, la diseuse de Bonaventure, tel est le titre du tableau donné par le Caravage, et qui lui-même va inspirer un certain nombre de peintres français, dont certains d'ailleurs vont peindre plusieurs tableaux représentant ces bohémiennes, à chaque fois lisant les paumes de la main. Mais l'on sait par exemple que certaines bohémiennes étaient aussi intégrées dans certains ballets. On connaît l'exemple très célèbre par exemple de la bohémienne Léance, qui a connu un très grand succès à la cour de Louis XIV et dont l'aura a été racontée par les poètes, les écrivains qui ont été véritablement fascinés par cette bohémienne très habile à la fois dans les arts de la danse, mais qui se prêtait aussi volontiers à la lecture divinatoire des lignes de la main. Julia Ferloni, commissaire de l'exposition Barvalo. Dernier objet que je voulais vous montrer, c'est un objet qui est un peu au clin d'œil à la famille de Louis, parce que c'est issu du monde forain. C'est un décor de baraque foraine, qui est la baraque de Madame Olivia, voyante, viseuse de bonne aventure. Une roulotte sur laquelle on peut lire Madame Olivia, tarot, ligne de la main, bouilleur Franklin. Et puis, peinte à côté, une autre roulotte sur laquelle il y a marqué Esmeralda, on dirait. Et puis, un âne et un cheval qui sont en train de paître le long d'une route avec une petite église. Ce décor date des années 60. Oui, la diseuse de bonne aventure, ça nous est attaché. On nous l'a rattaché comme ça parce que... On pouvait prédire l'avenir ou on pouvait lancer des sorts. Les gens du voyage pouvaient passer dans une commune. C'était à faire attention, les enfants vont disparaître. Ils vont vous lancer des sorts. Les poules aussi. Mais plus souvent, des fois, les enfants. Voilà. Donc, c'est, voilà. Après, ils en ont fait un commerce, du coup. On va les prendre un peu à leur jeu. Pourquoi pas? Avec une bonne psychologie, on arrive à faire dire ce qu'on veut à n'importe qui. Et vous, petite, vous viviez une partie de l'année dans des fêtes foraines, du coup? Ah oui, moi je vis toujours en caravane. Hein. Je suis toujours en caravane et faut jamais dire jamais, mais s'il faudrait que je vive en maison, ça serait très dur. Mais j'ai toujours vécu en caravane. On a arrêté les fêtes foraines qu'en 2001. Mais on a toujours fait et les marchés... hebdomadaire dans toute la France et les fêtes foraines. On a toujours eu le stand de tir, le stand à carabine à plomb, les stands de fléchettes, les pêches au canard, voilà les plus courants. Et après, dans notre famille, il y a eu ce qu'on appelait les entresorts. C'était des grandes boutiques, des grandes baraques, où on avait une entrée et une sortie. En fait, c'est rentre et sort. Et là, on pouvait voir les curiosités, ou la femme à deux têtes, ou la femme sans tête, ou la femme sans corps, ou les animaux préhistoriques, ou... voilà, ça, c'est tout des... Et c'est des choses que les voyageurs faisaient tourner dans toute la France et permettaient aux gens de voir des choses qu'ils n'auraient jamais vues, parce qu'avant, on ne circulait pas en France. Oui, on sait que le cinéma a été amené aux gens par des familles de voyageurs. Oui, les premiers cinémas qu'il y a eu, c'est et mon grand-père a fait ce métier-là pendant un temps. Et aller du côté de Montauban, en fait, dans cette région-là, installer le cinéma dans les cafés, dehors des fois, voilà. Parmi tous les travaux qu'il a pu exercer, c'était un de ses métiers. C'est un travail qui est très dur, parce qu'il n'y a pas d'heure. Mais de plus en plus, on met la fête foraine, on excentre la fête foraine. Comme Avignon, elle est restée longtemps au parking des Italiens avant d'être remis un peu plus autour des remparts. Et plus on éloigne les fêtes foraines ou un marché, c'est pareil. Plus on l'éloigne du centre-ville, moins il y a de visiteurs. Yann Rodier. Très tôt, on associe en effet les bohémiennes à la pratique de la lecture des lignes de la main et c'est quelque chose qui va rester pendant toute l'époque moderne et même au-delà. En réalité, on va systématiquement associer la bohémienne à la diseuse de Bonaventure. Et alors, comment elle est accueillie, cette pratique? Parce qu'on peut se dire, voilà, c'est un lien avec la magie, on peut se dire que c'est un lien avec des sciences occultes. Comment est-ce que c'est accueilli à la fois par la population et puis par le pouvoir? Parce qu'en réalité, les autorités ecclésiastiques, pour commencer par elles, très tôt, vont condamner et réprouver ces sciences dites occultes, précisément, parce qu'elles sont liées à l'art de la divination. Et dans le contexte de l'Europe de la Réforme, au XVIe siècle, le Concile de Trente, par exemple, va condamner et mettre à l'index ces sciences dites occultes. Par ailleurs, il y a aussi au niveau pontifical des décisions qui sont prises. Par exemple, le pape Sixte Quint en 1585 fulmine une bulle, Celi et Terrae, qui condamne toutes les sciences en mancie, dont la chiromancie. D'autre part, ce sont des populations aussi dont les origines sont un petit peu douteuses. Et c'est la raison pour laquelle ce sont des populations qui sont doublement suspectes, d'une part parce qu'elles pratiquent cet art de la divination, et d'autre part parce que ce sont des chrétiens de rite oriental grec et non romain. Mais il est très intéressant de constater, et c'est un cas que l'on observe dans l'ensemble de l'Europe, que jamais les bohémiennes n'ont été assimilées aux sorcières, malgré la chasse aux sorcières qui a connu son apogée en Europe des années 1550 à 1690. Et c'est ce qui explique aussi peut-être une certaine indulgence à l'égard de ces bohémiennes, parce que finalement, de quoi étaient-elles accusées? Elles étaient accusées de troubles à l'ordre public et d'abuser finalement de la crédulité et de la superstition des gens. Elles étaient malgré tout chrétiennes et elles ne remettaient pas en cause le dogme établi. Donc elles n'étaient pas non plus accusées du crime d'hérésie. Et d'autre part, je pense qu'il y a aussi un aspect social à prendre en considération, c'est qu'il était très coûteux pour le pouvoir royal d'organiser des expéditions punitives contre les troupes de bohémiens qui étaient justement armées et qui étaient aguerries dans l'art de la guerre puisqu'ils servaient en tant que mercenaires. Et pour toucher les hommes, finalement, le moyen le plus efficace était de s'en prendre à leur progéniture et à leurs épouses. Mélie de Barre, vous avez reconnu quelque chose en passant là que moi je ne connais pas. Vous pouvez me dire ce que c'est? C'est un peu l'ancêtre du prochain bol du coup de poing maintenant. C'est le bras de fer en fait. On est en face d'un écran avec un bonhomme autour qui et un bras articulé. Et il faut forcer dessus un bras de fer avec la machine quoi en fait. Maintenant on en voit très peu. On a eu aussi le taureau. On prenait le taureau par les cornes. Il fallait ressembler. Resserrer le maximum les cornes entre elles. Et c'était t'es fort, t'es pas fort, t'es super fort. Voilà quoi, c'était avec le bruit du taureau derrière. Et un truc que je ne vois pas et que c'est dommage, c'était l'appareil à tiroir, le plaisir d'offrir, les 12 tiroirs. Joie de recevoir. Joie de recevoir, plaisir d'offrir. Et c'était un appareil carré monté sur pied à roulette. Et c'était des tiroirs qu'on mettait une pièce dedans et on tirait un tiroir et on avait une surprise. Et je vois pas, c'est dommage. Et ces machines, tous ces objets, vous alliez les chercher? Il y avait des boutiques qui étaient spécialisées, vous les fabriquiez? Dans les premiers temps, c'est les voyageurs qui les fabriquaient. Après, quand ça a été plus complexe, oui, il y en a qui les fabriquaient. Ou alors après, c'était plus facile de les acheter, plus rapide, plus facile. Et votre famille, ils ont fabriqué quand vous étiez venu? Les premières stands qu'ils ont fait, le tir à plan, tout ça, c'est eux qui l'avaient fabriqué. Que ce soit l'extérieur ou l'intérieur, c'est eux qui l'ont fabriqué. Ils faisaient le décor aussi? Oui. Quand on est forain, quand on est sur les fêtes foraines, on a plusieurs métiers dans nos chapeaux. Voilà. On sait conduire des gros camions ou ne serait-ce que pour les manœuvrer. On sait, on doit être un petit peu décorateur, un petit peu. Voilà. Sinon, si on se contente d'être caissier, on n'est pas forain. Ilsen About, historien. Ces groupes vont à la fois s'inscrire dans des paysages urbains, dans des quartiers de ville, dans des périphéries de ville, en lien avec des professions particulières. Avant, la vannerie, c'est les métiers liés aux chevaux, à l'entretien et au commerce des chevaux en particulier. C'est le développement de spécialisations en lien avec les mondes du spectacle et des arts. Et puis, cette période est marquée aussi par un bouleversement migratoire des mondes roms en France, par le jeu des migrations frontalières en particulier, et de ces multiples inscriptions dans le territoire. Donc, au cours du XVIIIe siècle, on a des mondes gitans qui s'installent durablement en France. On a des migrations provenant de l'Est, du Rhin, donc les mondes manouches vont s'installer progressivement dans l'ensemble des territoires. Et puis on a des groupes Sinti qui viennent du nord de l'Italie. Et à cette diversité s'ajoutent des migrations d'Europe centrale et orientale à partir de la moitié du 19e siècle, qui composent un autre, chapitre des mondes roms en France. Sacha Zanko. Tout le temps, ils étaient itinérants. Parce qu'ils avaient trouvé que rester sur place, ça ne ramenait pas son fruit, quoi. Puis comme ils travaillaient d'une manière saisonnière et qu'ils intervenaient auprès des instances hospitalières, ils travaillaient beaucoup pour les cuisines, donc la réflexion du matériel de cuisine. Et donc une fois que la casserole est tamée, on ne repasse pas le lendemain à refaire. Donc il vaut mieux se déplacer, trouver un autre restaurant et ainsi de suite, un autre établissement qui a besoin de nos services. Et ça perdurait que de la sorte. Et puis un peu après la guerre, pendant la guerre, ils ont été obligés de, et conseillés par la gendarmerie française, de se stabiliser, de se domicilier. Donc ils ont acheté un immeuble à Montauban. Donc ils l'ont occupé durant toute la période de guerre, quoi. J'ai mon père, il a rejoint le maquis parce qu'on venait le chercher pour le travail obligatoire. Donc il est rentré dans le maquis, il a tenu un fusil, comme il dirait l'autre, mais voilà. Votre famille n'a pas été inquiétée par le livret anthropométrique et par les restrictions imposées aux nomades ? Si, automatiquement, parce que qu'on veuille ou pas, on est toujours désigné comme cigane ou comme aïe. Et à l'époque, c'était d'actualité, donc vous étiez cigane, vous étiez obligé d'avoir un carnet anthropométrique. J'ai une photo de mon oncle à 6 ans, on voit qu'il est pétrifié de peur d'être manipulé pour une photo, alors qu'une photo c'est un bonheur, quoi, de se prendre en photo. Ben là non. Et puis par la suite, là, après la guerre, il y a eu un dispatchage, et mon grand-père dans les années 50, il s'est fixé, on va dire, sur la région lyonnaise. Et puis progressivement, on a, on va dire, évolué dans le confort de ce qui est de vivre dans un autre espace habitable. Ça a été aussi le bidonville, hein. Et avec des planches et des bric-à-brac, hein, comme on dit, pour essayer de se créer un logement. Puis progressivement, ça a été la caravane. Puis ensuite, ça a été l'habitat en dur, mais c'était encore en cité transit, hein, où il y avait 5 cm entre chaque voisin de séparation, puisque c'était des logements accolés. Puis là, il fallait choisir, soit c'était les HLM, et mon père à l'époque, ils ont acheté un terrain, et puis ils ont acheté 2 autobus qu'on a vidé, hein, qu'on a fait un peu à la bonanza, là. Ouais, il y avait des trucs en pompons, là, tout en velours. Et puis après, il a bien fallu prendre un autre logement, puis on s'est résigné, on est rentré dans un HLM. Et là, heureusement, j'ai pu, avec mon frère, être premièrement locataire, puis ensuite propriétaire du bien qu'on habite. Et en l'occurrence, on peut dire que c'est une maison de maître. Hein. Ah ouais, elle est très belle. On voit, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, une double histoire qui s'affronte. D'un côté, une histoire sociale, appuyée sur les archives, qui décrivent les tziganes comme des gens comme les autres, avec une grande diversité sociologique, avec une implantation ancestrale et avec une généalogie appartenant à l'européenne paterne. C'est une sociétés, c'est des sociétés romanies, sont des sociétés européennes à part entière, intégrées aux constructions nationales en cours à partir du XVIe siècle. Et puis de l'autre, une espèce de rhétorique, de schéma rhétorique, qui traverse tous les siècles, essentiellement à partir du XVIe siècle, plutôt dévalorisant, disqualifiant. Une minorité nomade, vagabonde, venant des confins de la civilisation non européenne, donc on les disqualifie en tant qu'Européens, et qui maintient un mode de vie séparé, ne parvenant pas à s'intégrer. Et ensuite, on va donner à ce schéma initial de vagabondage associé au nomadisme toutes les couleurs de la disqualification politique selon les époques. Et vous donnez quoi pour l'exposition, Sacha Zanko ? Les deux panneaux qui s'étaient à l'entrée tout à l'heure quand nous sommes arrivés, c'est marqué des panneaux d'interdiction en fait. C'est stationnement interdit aux nomades et aux forains ambulants. Et puis un autre qui est stationnement aussi interdit aux nomades, et avec une formulation complémentaire. Et aussi sur les parkings de la ville, donc de la ville où le panneau est, bien sûr, que j'ai volé, bien évidemment, sinon je ne l'aurais pas en ma possession. Donc c'est un côté affectif et de valeur affective. Les panneaux d'interdit stationnés, il y en a encore. Bon, il y en a encore, mais il y en a encore. Il y en a qui sont en émaillé bleu et blanc. Là, c'est une pièce unique, quoi. C'est une pièce de collection. C'est beau. Mais ça choque personne. De voir un panneau. Ah oui, personne n'est choqué. De voir un panneau interdit aux gens du voyage, tout le monde passe devant, ça choque personne. Prise de son et mixage Florent Layani, Archivina, Mylène Touchet et Nawel Baba Ali, attaché de production Marivonne Bolivier et Anaïs Morales. Merci à Henriette Asseo, Julia Ferloni, Sacha Zanko, Nelly Debar, Caroline Godard, Yann Rodier, Julanne Mante, Ilsen About et Léni Mauduit de la médiathèque Matteo Maximoff. Dans l'ombre de l'antidiganisme, deuxième épisode, français depuis le Moyen-Âge, un documentaire de Perrine Gerbrand réalisé par Gaëlle Gillet.